pris sur le vif. Écoutez. Qu'as-tu acheté à maman pour son anniversaire? Je lui ai acheté Chamade, son parfum préféré. Et toi? Je n'ai pas encore décidé. Peut-être un livre? Ce n'est pas original. Tu lui as déjà donné un livre à Noël. Et alors? Elle aime lire, non? Répétez. Qu'as-tu acheté à maman pour son anniversaire? Je lui ai acheté Chamade, son parfum préféré. Et toi? Je n'ai pas encore décidé. Peut-être un livre? Ce n'est pas original. Tu lui as déjà donné un livre à Noël. Et alors? Elle aime lire, non? Écoutez. Bon anniversaire, maman. Bon anniversaire, ma chérie. Mais c'est vrai, c'est aujourd'hui mon anniversaire. 40 ans déjà, que le temps passe vite. Voici nos petits cadeaux. Oh, merci, je les regarde tout de suite. Et moi, je te propose d'aller au restaurant. On m'a indiqué un endroit formidable. Répétez. Bon anniversaire, maman. Bon anniversaire, ma chérie. Mais c'est vrai, c'est aujourd'hui mon anniversaire. 40 ans déjà, que le temps passe vite. Voici nos petits cadeaux. Oh, merci, je les regarde tout de suite. Et moi, je te propose d'aller au restaurant. On m'a indiqué un endroit formidable.